Je l'aime, je l'aime, parce qu'il aime, je t'aime, à qui mon âme allé sur le bois et calvaire où je le mange à l'âme. Je l'aime, je l'aime, parce que mes mains les premiers. Bien-aimé, notre Père Céleste, nous te remercions au nom de Jésus pour l'opportunité que tu nous accordes ce soir d'être rassemblés en ce nom de Jésus-Christ avec la promesse à la base, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu le Père de miséricorde, Dieu de toute grâce, Dieu de toute consolation, que ton nom soit élevé au-dessus de tout et que tu soutiennes nos cœurs à travers les voyages. Sur le chemin, il y a beaucoup de réalités, mais ta main est ce dont nous avons besoin. Ta force et ton inspiration pour affronter toute éventualité et vaincre, sortir de la tête haute. Exauce nos prières ce soir et communie avec chaque âme. Venez humblement regarder à Jésus, appeler Jésus sur la scène, lui confier ce que nous avons d'important, lui confier nos requêtes, supplications, besoins et prières, sachant que tu es Jéhovah juré. Je vous vois Rapha. Je guérirai toute maladie pour toi à tous les besoins. Conduis la prédication ce soir et reçois chaque âme auprès de toi par le sang de l'agneau. Et nous soyons agréables. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Corinthiens chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 6. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Leur Seigneur et le nôtre. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordé en Jésus-Christ. Amen. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole. Amen. Et la connaissance. Amen. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Amen. Akomeli bino lingomba na Nzambe lijali na Kolenti, bino bagulami kati na Kristo Yesu. Bobyanga miyete boja la sembo ilongo na bato yonso, baloyo bakubele laka kombo na kolo na biso Yesu Kristo na bisika yonso. Ya jali kolo na bango mpe na biso lokola. Ngolupe kimya ijali na bino uta na Nzambe tata na biso pe kolo Yesu Kristo. Na potonda kanzambe na tina na bino, tango yonso, pona ngolu, Nanzambe epesameli bino kati na Kristo Yesu. Po kati na ye bosili kokoma bazwi na bilobeli yonso mpe na boyebi nyonso. Lutato lipo na Kristo elendisami solo kati na bino. 1 Timothée chapitre 3. Mokanda yango ya Timothée. Nous prenons le verset 14 et 15, encore une fois. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Najali kokomela yo makambo oyo na elika ete na koya epai na yo na ntango moke. Soko na koumela na ino okoyeba nzela ekoki mpona kosalaka makambo kati na ndako na Nzambe. Yango ejali lingomba na Nzambe na bomoi. Likondi pe emitemiselo na makambo na solo. Matthieu chapitre 16 verset 18. Moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous souhaitons à chaque âme bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans l'amour de la vérité. Bienvenue à l'évangile du royaume. Bienvenue dans la voie de Dieu. Bienvenue à la table du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au lieu d'adoration. Où tout ce qui se fait en acte ou en parole doit se faire au nom de Jésus-Christ. Et pour la seule gloire du Dieu immortel. Je prie que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous exauce. Toutes les prières faites ce jour puissent trouver suite auprès du Seigneur. Apporter la joie comme il avait dit dans sa promesse. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Que cette joie nous accompagne au service de Dieu à ses pieds pas à pas chaque heure, chaque jour et nous que l'éternel notre Dieu est le véritable éternel, le seul Dieu véritable qui existe et pas et lui, il n'y en a point d'autre. Amen. Il est le propriétaire de son église. Il est le Dieu de toute grâce. Il est le consolateur de nos cœurs. Il est la personne la plus indispensable chemin faisant. Car sans lui, notre vie n'a pas de sens. S'il n'est pas dans nos vies, nous ne voyons pas ce que nous faisons sous le soleil. À quoi nous servirions nous-mêmes là? Sans Dieu, sans Christ. À quoi bon tout cela? Ça ne sert absolument à rien. Mais comme Paul a dit, Christ est ma vie. Il y a une vie, Christ. Et ma vie. Et mourir maintenant. Est-ce que chacun peut dire ça? Christ est ma vie. Christ est ma vie. Sans lui, je ne vis pas. Enlevez-le de ma vie et je suis mort. Il dit, il ne faut rien. Mais Christ est ma vie. En Jean 5, verset 12, le de Dieu a dit que c'est lui qui a le Fils de Dieu. Amen. Il a la vie. C'est Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Christ est ma vie. Dans Jean 14, verset 6, Jésus-Christ lui-même, nous ne disons pas des choses fausses en son nom. Quand il était descendu ici-bas sur la terre, parlant de sa propre bouche humaine, il a dit à ceux qui l'écoutent, et à ceux qui l'écoutent jusqu'à présent, que sa parole ne passe point, elle demeure éternellement. Il a dit à ceux là, et ça demeure valable maintenant encore. Je suis le chemin, la vérité, solo, et quoi? Bon, oui. Nous ne disons pas des choses fausses en son nom. Nous ne sommes pas des exaltés. Nous sommes des fanatiques enthousiasmés. Mais nous disons des faits vrais. Nous répétons la vérité éternelle du Dieu vivant. Jésus lui-même dit qu'il est le chemin. Il est lui la vérité. Il est lui-même la vie. Celui qui a Christ, le Fils de Dieu, il a la vie. Et c'est la vérité absolue. Christ est ma vie. Alors, que dire de notre vieil homme, notre vieille vie? Mais elle est passée. Car notre vie actuelle est nouvelle et éternelle. Notre vie éternelle est actuelle. C'est Christ lui-même. Il est dit ici, dans Colossiens 3, verset 1 à 4, mais l'insistance sera faite au verset 4. Et donc, vous êtes ressuscités avec Christ. Ressuscités pourquoi? De la mort où nous étions, mais nous avons reçu une vie nouvelle. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort. Le vieil homme est mort. Ton vieil homme est mort. Il doit mourir. On ne doit plus les considérer. Les caprices, ces convoitises, les désirs, les indisciplinés. Les besoins innombrables. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous allez aux yeux des convoiteurs, vous allez aux yeux des satanistes, vous allez aux yeux des fétichistes, vous êtes voilé au regard des magiciens, des sorciers, vous êtes voilé face aux démoniaques. Il y a un Saint-Voile que Dieu a placé. C'est une protection effroyable. Un véritable bouclier en tout temps. Christ est le rocher solide. Tout autre fondement n'est que ça. Tenez-vous sur Christ. Vous résisterez face aux attaques les plus violentes et méchantes. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, c'est lui qui est votre vie, il est ma vie à moi, il est ta vie à toi frère, ta vie à toi soeur, ta vie à toi église, c'est Christ. Quand Christ, votre vie, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Satan que vous a cherché partout ne comprendra pas comment vous vous retrouverez finalement au ciel. À un moment vous étiez entre sa main. À un moment vous étiez sa marionnette. Vous étiez un panthère en entre ses doigts. Il vous tirait au dîner dans tous les sens. Il manipulait vos cinq sens corporels. Il venait par le boudiner. Il vous embrouillait au gré des humeurs. Mais à un moment donné, la lumière de Christ a brillé sur votre chemin. Alors, un jour sur le chemin, je marchais. Mais j'ai entendu une voix. Oh pécheur, réponds-toi. Et non, tu mourras. Oh, quelle grâce ce jour-là. Un jour sur le chemin, je marchais. Un jour sur le chemin, je marchais. Et j'entendis une voix qui venait des cieux. Oh pécheur, réponds-toi. Sinon tu mourras. Oh, quelle joie dans mon cœur quand Jésus est au bout. Ah, un jour là. Je ne prends pas la déformation de cette chanson quand on l'a trop, on y a mis trop de danse, d'esprit de danse. Non. Mais quand ça reste cette mélodie de méditation. Samuel, c'est un cantique composé par un protestant. Mais qui a eu du succès aux mains d'un frère croyant de ce message. Mais qui a aussi été imité par une dénominationnelle. Il y aurait eu même des tentatives de procès pour les droits d'auteur. Oh, des choses saintes, il faut les garder saintes. Et quand on s'entre dans le monde des impurs, n'importe quoi se produit. Mélange n'importe quoi malheureusement. Oh, mais un jour, nous marchons sur le chemin. Et le Seigneur nous a arrachés de la puissance de la puissance de la mondanité, de l'influence de convoitise mondaine, pour nous arracher à tout. Et nous a placé sous son divin pouvoir. Sous sa bonne influence. L'influence de sa piété. Et depuis lors, nous avons disparu dans les radars sataniques. Dans le champ visuel des démons. Nous avons visiblement disparu. Et Satan a lancé tous ses escadrons. Tous ses agents les plus fidèles. Et les plus rapides. Vous êtes mort. Oui, Satan vous cherche parmi les vivants. Le Satan, bien que vous vivez encore dans le corps de chair, Dieu a déjà viré dans le monde des morts. Mais il vous considère comme vivant pour le sang. Le diable attrape bouillé. Vous dites quoi? Vous êtes mort. Et votre vie est cachée. Avec Christ en Dieu. Lui continuera à vous chercher sous le soleil. Mais Christ a dit que vous êtes dans le monde. Mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Il peut envoyer ses espions partout. En votre trousse pour vous rattraper. Pour vous rétrograder. Et la puissance du salut de Dieu est vivante et efficace. Amen. Quand Dieu sauve, il n'y a rien Amen. À dire. Quand Dieu délivre, c'est une liberté totale qu'il donne. Satan cherche. Satan a coluca. Il vous trouvera plus. Amen. Pour qu'il arrive. Pour là où vous êtes. Là où Dieu vous a placé, il faut que lui aussi Croyez d'abord correctement l'évangile. Avant d'être justifié par la foi. Est-ce qu'il devient ensuite sanctifié par le sang? Pour le sang de Jésus n'a pas coulé pour les anges. Il n'était pas venu secourir les anges. Le secours qu'il est venu apporter, c'est à la postérité d'Abraham. Il ne vient pas sauver les hommes. Aucun ange ne sera sauvé. Mais ce sont les fils de Dieu qui seront sauvés. Êtes-vous là? On ne demande pas aux anges de croire. Non. C'est aux enfants de Dieu qu'il est demandé de croire. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne perde pas. Mais qu'il ait la vie éternelle. C'est parmi les habitants du monde. Mais Dieu vous soutire de la puissance du malin. Qui domine sur le monde. Et il vous place sous sa puissance divine. Qui règne par la vérité. Qui règne dans la sainteté. Vous voyez bien aimé. Satan ne peut pas croire. Il ne peut pas être justifié correctement. Il ne peut pas être sanctifié correctement. Il peut qu'imiter ce qu'il veut imiter. Mais à toi, Dieu donne la grâce salutaire. Et il te soustrait des radars démoniaques. Des champs d'action des sorciers. Il y a une main puissante et c'est la main de Dieu créatrice. Il est le sauveur de son église. Il est capable de protéger ceux qui lui offrent leur confiance. Il est Dieu, je le sais. Il est Dieu, je le sais. Amen. Et quand Christ, votre vie, paraît là, vous vous paraîtrez aussi avec lui. Non plus dans le monde pour oublier dans le monde. Mais dans la gloire. Qui dit amen? Il y a un aboutissement de notre voyage. Là, dans la gloire, nous y serons par la grâce de Dieu. Là, dans la gloire, par la grâce de Dieu, nous y serons. Et Dieu nous y fera paraître glorieux. Êtes-vous là? Dans les sermons, une délivrance totale. Prêchez le 12 juillet 1949. L'église est en minorité. L'église du Seigneur. Elle est en minorité. Et elle le sera toujours en nombre jusqu'à la venue du Seigneur. Chacun avale sa vie. L'église est en minorité. Elle le sera toujours en nombre. Jusqu'à la venue du Seigneur. N'attendez pas un nombre trop spectaculaire. Là. C'est un tamisage chemin faisant. Il y en a qui entrent, il y en a qui sont expulsés. Le train du Seigneur avance. Vous allez là. L'église est en minorité. L'église, elle le sera toujours à l'ombre jusqu'à la venue du Seigneur. Pensez-y. Pensez-y, chers amis. Et mais, elle est en train de vivre en dessous des privilèges que Dieu lui a donnés. Bien que minoritaire. Attends, l'église est en train de manquer. Mais le Seigneur a parlé clairement. Bien que cette église est minoritaire. Attends, l'église est en train de manquer. Le Seigneur ici dans Luc. Chapitre 12, le verset 32. Oh, comme il dit même, verset 31-32. Cherchez plutôt les royaumes de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et le cas pour continuer, Et le verset 32. Pour commencer, ton ami Balé. Ne crains point, petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Bangate et ton amoké. Soit c'est Satan a bino, a sepeli kopé, sa bino bokondi. Ce que Dieu a trouvé de bon pour vous. Ozambe, amoni malamu kona bino. Ce que Dieu a trouvé de meilleur à vous offrir. Ozambe, amoni malamu mikole kapona kopé, sa bino. C'est son propre royaume. Ozali bokondi, na bino. Et qu'il vous engendre dans son propre royaume. Ozambe, sa bino kati na bokondi, na bino. Il vous ravisse du royaume, du règne de la modernité. Et qu'il fasse naître, vous fasse appartenir à son propre royaume. Et ce que Dieu a de meilleur pour nos âmes. Rien que petit en nombre, tu le seras toujours petit en nombre. Mais attention, Dieu a trouvé de meilleur de te donner le royaume. Le royaume. C'est la plus grande des choses que Dieu possède. Vous vous souvenez de la reine Esther? Lorsqu'elle a joué à la grande sagesse, une femme sage abordait son mari. Elle avait un besoin pressant important. Mais elle tentait s'y prendre plus que les quinoises. Il a cultivé le suspense dans l'homme. Pour créer un besoin d'autant plus grand chaque fois. Elle voulait lui demander quelque chose. Alors, l'homme a dit oui. Dis-moi, pourquoi que je vais te attendez d'abord. Je vais te le dire. Oh, mais tu veux demander quoi? L'homme commence à se déballer. Après, on nous venez d'abord manger. Il y a d'abord le repas ici. Il y a un bon repas. Il a voulu, il souhaitait bon appétit, c'est lui vraiment bon. Il y a malamou, appétit, il y a la messe à nos soins. Après, il n'est pas du même. Mais tu voulais dire quoi? Oh, attendez d'abord, je vais te dire. Alors, vous êtes là, la colombie. Je vais patienter un peu, s'il vous plaît. Je veux vous le dire. La colombie là-haut. Quoi? Et l'homme, il part, il revient. Mais, même si c'est serré, une partie de mon royaume. Alors, je vais te dire, la colombie là-haut. C'est une partie. Je vais te dire, il a vu qu'il était disposé à l'écouter. Alors, elle lui a ouvert le cœur. Elle a dit. Et sur le champ, la réponse est venue. Intervention immédiate. Toi, Église, tu es l'Esther du temps de la parole. L'Église épouse choisie par les grands rois. Il prépare pour l'enlèvement. C'est pour bientôt dans la gloire. Ce n'est pas une blague. Il doit se présenter à lui-même une Église sainte et glorieuse. Sans tâche ni ride, ni rien de semblable. Nous avons lu le verset hier et c'est toujours d'actualité. Aujourd'hui, vous avez complété ce qui encore. Quand Christ, votre vie paraîtra. Vous aussi, vous paraîtrez avec lui. Il y a une gloire qui vous a réservée. Bienvenue dans la préparation. Êtes-vous là? Vous allez là? Il faudrait que tu comprennes que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Il ne passera jamais. Que personne ne saurait te ravir. Même pas Satan. Dieu te donne le royaume. C'est une royauté qui ne passera jamais. Et c'est un royaume inébranlable. On l'a dit dans Hébreux 12 que c'est un royaume. Nous recevons un royaume inébranlable. C'est ce que Dieu a de meilleur pour vous. Louange à Jésus-Christ. Écoutez ceci. Okay. Continuons par lire Frère Branham ici. L'Église est en minorité. Elle laissera toujours un homme jusqu'à la venue du Seigneur. Mais elle est en train de vivre en dessous des privilèges que Dieu lui a donnés. Dieu te donne tout son royaume. Qu'est-ce qui peut manquer de ce royaume? Le royaume de Dieu possède tout. Car c'est le royaume de celui qui a créé tout. Le royaume du propriétaire de tout. Le propriétaire original est incontestable. Rendait-il le titre éternel de propriété. Capable de créer au présent et au futur. Il a fait preuve de création dans le passé. Alors il a trouvé mon essai donné le royaume. Jubile alors. Sois heureux. Ressaye ton fils de Sion. Ressaye l'église du Dieu vivant. Il y a un bouclier protecteur. Il y a un personnage défenseur. Le grand lion, le roi souverain. Si seulement nous savions que ceci est l'église du Dieu vivant. Pas le Branham Tabernacle. Si seulement nous savions que ceci est l'église du Dieu vivant. Pas le Branham Tabernacle. Moi je dirais aussi pas le Tabernacle. Le nom que vous avez donné à l'église locale. Bye-bye. Un groupe de frères avait donné Branham Tabernacle. On a été après ça qui Branham Tabernacle. Mon groupe Branham. Il ne doit pas y avoir des Branham Tabernacle. Si nous voulons seulement savoir que ceci est l'église du Dieu vivant. Oui, vous allez créer dans un bonhomme. Ici se réunit l'église du Dieu vivant. Vous allez dire, à cet endroit se retrouve des membres du royaume de Dieu. Vous allez vous coucher dans ma assis parmi vous. Parmi tant d'autres qui sont assis là. Parce qu'il y a des sujets directs du royaume de Dieu. Vous allez bateau. Scellé du Saint-Esprit. Et quand il siège, c'est le royaume de Dieu qui siège. Quand il se rassemble, c'est le royaume de Dieu qui se réunit. Amen. Et nous pouvions savoir cela. Non pas le Branham Tabernacle. Il viendra avec ses défauts. Ses culpabilités. Mais l'église du Dieu vivant, les membres sont présents ici. Si nous les savions, hein, mes chers amis, Baninga, mais le Branham Tabernacle n'en est qu'une partie. En parlant de l'église du Dieu vivant. L'église que Dieu enlèvera. Christ, le Christ n'enlèvera qu'une seule église. Tout à la fin, c'est tout ce qu'il aura. Tout ce que vous disputez, resteront ici-bas. Vous trouvez bien raison, l'autre a tort. Vous restez habitué aux polémiques. Vous restez dans vos polémiques. Mais Christ à la fin enlèvera Christ et l'église. Il n'y a que les hommes et les femmes scellés du Saint-Esprit. Rien que ça. Tous les autres seront déclassés. Quelle que soit l'église à laquelle ils partent. Qualifiez-vous. Il est temps de prendre au sérieux votre préparation individuelle. Si nous savions seulement que c'est l'église du Dieu vivant. Pas le Branham Tabernacle. Mais le Branham Tabernacle n'en est qu'une partie. C'est-à-dire que là aussi au Branham Tabernacle, Dieu s'est rassemblé les membres du royaume de Dieu. Les sujets du royaume de Dieu. Les hommes et les femmes, c'est le Saint-Esprit. Il y en avait dans cette église-là. Voilà ce que c'est. Et parce qu'il y en avait là-bas, le Branham Tabernacle était une partie de l'église du Dieu vivant. Et il n'était pas toute l'église du Dieu vivant. Il n'était qu'une partie de l'église du Dieu vivant. En considérant les membres du corps de Christ qui étaient là-bas. Qui adoraient là-bas. Qui persévéraient là-bas. Est-ce que chacun comprend? Mais le Branham Tabernacle n'en est qu'une partie. Il y a d'autres églises semblables à travers le pays. Il dit ce soir, frère Snelling va avoir un service de baptême. Snelling. J'ai oublié que frère Curtis m'a dit d'annoncer cela. Il m'a dit hier qu'il allait la voir hier. Il va avoir un service de baptême. Et si quelqu'un ici n'a pas encore été baptisé, eh bien, frère Snelling serait heureux de le faire ce soir. Donc ça c'est le tabernacle de la sainteté à Utica. Dirigé par le frère Snelling. Le tabernacle de la sainteté à Utica. Mongombo va bengi ya bosantu kuna na Utica. Et le frère Gino Jackson dans la Nouvelle-Albanie. Gino Jackson kuna na Nouvelle-Albanie. Et il y a tant d'églises de ce genre à travers le pays. Il semble que nous vivons toujours tous plus ou moins en vaincus. Tous, même les bonnes églises là, qui sont nées légitimement. Oui, mais bon, ça m'étonne là, le défaut des assemblées locales, on a énuméré. On a énuméré quelques défauts le mercredi. On n'a pas mentionné les naissances illégitimes des églises. Qui vont se faire appeler église de Dieu. Contrairement à la parole. Et pour constituer sur une base linguistique. Vous trouvez l'église de Bantandu. L'église de Bangala. L'église de Bahoyo. L'église de Bamongo. L'église de Bayombe et l'église de Bandibou. Vous voyez les esprits à la base de tout ça. Et un jour un jeune prédicateur était s'échauffé. Il est venu s'en prendre à mes oreilles. Il est venu s'en prendre à son évêque. Il dit, mais non, Frère David, vous ne voyez pas. Il y a l'église est manianganisée. L'église est conférée à Mandianga. Le pasteur Emunyanga, il a choisi pour pasteur associé Emunyanga. Et dans le comité des diacres, deux diacres sur quatre étaient des Banyanga. Il n'a pas oublié de message. Frère, qu'est-ce que nous sommes en train de faire là? Ce sont les églises locales. Le fonctionnement irrégulier. De naissance illégitime. Des espérances trompeuses. L'hébergement des démons. Mais c'est grave tout ça. Si vous dites c'est très grave. Mais il faut bannir toutes ces choses. Dieu a dit ne touchez à rien d'impur. Les choses du vieil homme, nous devons nous en débarrasser. Pour vivre la vie nouvelle en Christ. Nous adapter aux réalités du royaume de Dieu. Êtes-vous là? Très important. Alors, on a trouvé tout ça des violations de la souveraineté de l'Assemblée locale. Et nous nous sommes rappelés ici. Même pour le Branham Tabernacle, il ne doit pas y avoir de Branham Tabernacle. Malheureusement, jusqu'à présent, il y en a toujours. Il y en a d'autres qui naissent encore en dehors de là-bas. Les gens sont toujours à côté de la plaque. Ils ne connaissent ni la vision, ni la vérité de Dieu. Ils commencent leurs églises par enthousiasme. Un petit c'est la mère qui l'a amené à taper les tam-tams d'une manière merveilleuse. Ça a attiré toutes les mamans vendeuses de légumes là-bas. Et du coup, on a commencé à raconter des problèmes. C'est pas correct. J'allais faire un beau tir. Et maintenant, quand on présente la vérité, oh non, vous êtes compliqué. Mais vous êtes mis doux, vous êtes des enfants de qui vous. Nous devons être enfants de lumière. Quand la lumière s'exprime, nous devons nous incliner. Pas commencer à vous fêter. À bouder, à murmurer. Nous sommes enfants de la vérité. Et nous aimons la vérité de Dieu. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Tous ceux qui sont de l'église doivent soutenir la vérité. Qui c'est le sensationnel? Qui c'est le sans-parleil? Qui c'est le impressionniste? Faisons-nous petits et naissons de nouveau. Amen. Ici dans la semence du serpent, la semence du serpent. Monsieur le 28 septembre 1999. Et vous, le tabernacle ici. Parlant du Branham tabernacle. Je vous l'ai dit. Nous allons changer ces noms-là. Amen. Écoutez. Ce n'est pas bien que ce soit le Branham Tabernacle. Ce n'est pas bien. Mais qui en fait du bien est un modèle. Le message nous dit, ce n'est pas bien. C'est mauvais d'appeler ça Branham Tabernacle. Amen. Nous allons s'en prendre, Il est le fondateur de la communauté là, de l'apostolo. Les papas là qui se rasent les têtes là. Qui portent les soutanes blanches. Et qui s'assoit au sol pour prier. Il prie pieds nus. On a entendu dans un témoignage que ce sont les caractéristiques des églises démoniaques. Les églises sorcelleriques. Il porte du blanc. Et il prie pieds nus. Les églises fondées par Satan. Mais quand John Marang est mort, son fils biologique l'a succédé. Notre message n'est pas un système du copier-coller de John Marang. Vous voyez ça? Le même esprit là. Quand Moïse était mort, était son fils Gershom qui avait pris le pouvoir? Non. C'est pas la différence entre les affaires de Dieu et l'extermination. Nous devons sortir de là. Et même la femme d'Adine Abal a pris la direction de l'église. Et puis, on appelle ça église Sambé Malam. Dieu est bon, mais il n'est pas malade. Et de la communauté des apôtres, là. Ils allaient le lendemain, hein? Vous voyez, un papa Mbi qui est mort, et puis son fils a pris. C'est à la mode quoi? Les esprits des démons à l'époque. Pour discréditer l'église. Le Saint-Esprit est-il incapable d'assurer la continuité? Ne peut-il pas continuer avec le message? Avec son église. Pourquoi ça doit devenir des affaires claniques et familiales? Des histoires de famille. Et c'est devenu le conflit de famille. Papa Koufi, moi en Azoui. C'est quoi ça? Quand Pierre était parti, qui était devenu pasteur là-bas à Jérusalem? Mon baptême à Jérusalem. Et c'est le fils de Pierre. Mais ces gens, ils prennent leur modèle d'où? Quand ça n'y est pas dans la parole, ça vient de l'enfer. Ce n'est pas dans. Nous n'avons pas peur de dire la vérité. Elle doit être dite pour libérer les enfants de Dieu. Tout le monde n'est pas mauvais comme vous le pensez. Tout ce qui vient à l'église ne vient pas que pour la face. Il y a des âmes chrétiens qui veulent le royaume de Dieu. Alors on ne doit pas les suivre avec des systèmes de l'église. Et les habitués pour dire, partout c'est comme ça. Donc l'église, c'est comme elle est bon à yo. C'est compté parmi toi, toi, et l'individu. C'est quoi ça? Ça, c'est de la sorcellerie. Frère, n'ayez pas peur d'appeler les démons par son nom. Ça, c'est envoûter collectivement les gens. Vous faites de la confiance qu'on vous fait pour commencer à les envoûter. Vous allez en public. Vous allez l'église de Dieu est la colonne. Non pas une affaire familiale. D'une certaine famille prépondérante. D'une certaine famille, c'est elle. Bangonde Bassim Bagandé. Libota Bango Bassim Bagandé. Musique Kokoya. Non. Jamais. L'église est née par le Saint-Esprit. Elle est entretenue par le Saint-Esprit. Elle est conduite par le Saint-Esprit. Alors. Le tabernacle ici, je vous l'ai dit, nous allons changer ces noms-là. Ce n'est pas bien que ce soit le Branham tabernacle. Mais amen à la vérité. Amen. Ce n'est pas bien. Et vous changez tes pauvres Branham à Koufi. Au point, il était là-bas dans Bamboula, des décennies, c'est toujours comme ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien là-bas. Ça, ce n'est qu'un homme. Wana izali bobele moto. Ça ce n'est qu'un homme. Wana izali bobele moto. Maintenant, allez dire ça aux adorateurs de Branham. Yende kulubiamwe pene bagumba bili ya Branham. Envoûté jusqu'à la moelle par ces démons. Bango balokami kino na mikuwa na demo na oya kusambela mikato. Ils peuvent même vous bâcher les joues. Bango bako kulia tama tama boye. Utafuna. C'est grave, hein? Somo. Ce sont des gens terribles. Elle va tous na somo pinda. Ouais, il y a un certain frère Danda. Le premier des frères de vieille date là, il avait chanté Dieu de Moïse, il est le vrai Dieu. Zambi na Mosi azali Zambi wa solo. Ah, il avait chanté ça en Kikongo, hein? Aimba chona Kikongo. Zambi wa Kedika, Zambi ya Branham, Zambi wa Kedika. Et puis, il est arrivé, Mukuna Bango. Et puis, il a cité Mukuna Bango. Un jour, par mes gardes, il est allé ici à Lemba. Où il y avait l'église de Mukuna, Mukuna dit. Il a participé au culte un dimanche. Normalement, lui, il a assemblé quoi? Pasteur Mukuna, l'ancien de Kinshasa, l'ancien d'Isaïe. L'église d'Isaïe. Mais il était devenu Dieu. Alors, on a signalé à ces fans-là que le type-là est ici. C'est lui-là. Voilà, mais c'était mon tour. Vous allez le jouer ce jour-là? Frère Danda n'a pas attendu la fin du culte. Un frère gentil est venu lui chuchoter à l'oreille. Bazo visé, tata précule ta voix au Gobima Wati. Le frère s'est faufilé là comme un serpent. Il a fui. Mais malgré ça, quelqu'un parle de ce que tu as fait. Bazo il a assemblé du message. Donc il a traité notre Dieu d'idole, notre Dieu Mukuna. Mais Mukuna pour mourir, c'était devenu un problème. Il fallait qu'on fasse des prières et des prières, vous savez. Tout ça pourquoi il avait touché à l'occultisme. Les démons ont commencé à parler à travers lui. Il a prié pour mourir. Miséricorde. Voyez frère, quand nous invoquons le nom du Seigneur, soyons honnêtes envers les gens qui nous écoutent. Maintenant que Jésus ne suivait que Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas aller toucher au gris-gris, au petit chez là-bas, et des histoires, ça ne sert à rien. Le nom du Seigneur Jésus est tous bien. Même si nous semblons vivre toujours en vaincu. Ah, ça, vous allez dans le coin, la balle qui dit que vous avez un dessous des privilèges que Dieu nous a donné. La partie Dieu nous a donné son royaume. Continuons à reconnaître nos insuffisances. Pour pouvoir accueillir la cousine à côté de la bise. Et témoigner sa toute puissance. Et pour ça, toute suffisance. Il comblera ce qui nous manque. J'aime quelqu'un qui a la foi, mais qui est sincère. Pour s'attendre au nom du Seigneur son Dieu. Car il est dit que ceux d'entre le peuple qui connaît trop les gens vont avoir des grands exploits. Le problème est sincère. Dieu nous a donné le royaume. Mais l'église est en train de vivre en dessous des privilèges que Dieu lui a déjà donné. Nous avons des églises similaires qui ont commencé correctement, qui vivent la vérité au plan local et tout. Mais nous semblons vivre toujours en vaincu. Vous venez raconter telle expérience. Vous êtes vaincu. Ah, un peu sonné. Nous sommes tous bien à combat en colo. De fait à Boyekoti. L'issoumou Boyebeti de Gomokuna. Eh, Moussoukuna. C'est comme des vaincus. Nous allons au Dieu nous a donné son royaume tout puissant. Tout suffisant. Inébranlable et victorieux. Un royaume éternel. Le royaume des saints de Dieu. Et nous vivons en vaincu. C'est pas bien que ce soit appelé Branham Tabernacle. Et j'allais mal à monter et bien à mon combo et mon combo et Branham. Ce sont des faiblesses. Non, ce n'est pas pourquoi il s'en va tout au taux. Il faut corriger. Et c'est bien que c'est bon là. C'est vrai, non? Solo. C'est pas bien que ce soit le Branham Tabernacle. J'allais mal à monter et bien à mon combo et Branham. Ça, ce n'est qu'un homme. Nous allons changer son nom. Et lui donner un autre nom. Ok? Oui. Nous allons nous occuper de ça dans quelques temps. Je veux que ce soit seulement une église du Dieu vivant. Non plus Branham Tabernacle, mais une église du Dieu vivant. Mes chers frères et sœurs de Branham Tabernacle, si vous nous écoutez, c'est ce que le prophète a dit ici. Et il est debout à l'assemblée. Ne cherchez pas des échappatoires. Que ce soit l'église du Dieu vivant. Hein? Je ne l'avais pas méthodiste, baptiste, presbytérien, ou pentecôtiste, etc. Mais que ce soit simplement l'église du Dieu vivant. Et ça, vous aimez ça? Et avec un tel esprit, nous sommes disposés à unir toutes les églises pour n'en avoir qu'une seule à la fin, comme frère Branham avait souhaité. À la fin, comme on a dit hier, Dieu n'aura qu'une seule église. Il y aura qu'une seule église. À connaître la main, église à ouvrir mon cœur. Pas de Branham Tabernacle, Tralala Tabernacle. Ngombo, y a Branham Pio, dans sa souka, n'ango, il a qu'on a dans la nana. Tout ici dans les sermons, la vie éternelle et comment la recevoir. Réchez le 31 décembre 1964. La vie éternelle et comment la recevoir. Voyez, le paragraphe 185, à 187, trois paragraphes, à travers le monde, Ce glorieux et puissant évangile a fait entrer 1 500 000 dans les royaumes de Dieu l'année passée. 1 500 000. Qu'est-ce que c'est la joie, non? Qui a ça? Ah, ok. On y va. À travers le monde, ce glorieux et puissant évangile a fait entrer 1 500 000 dans le royaume de Dieu l'année passée. L'église pentecôtiste a dépassé toutes les églises qu'il y avait au monde l'année passée. Pour ce qui est de conversion, il parle là de conversion, il parle pas directement des expériences du baptême du Saint-Esprit, mais il parle des âmes qui viennent à l'hôtel et qui prennent le baptême. Le mot conversion est utilisé dans son entendement général. Parce que l'église est en minorité, elle reste en minorité. Elle laissera jusqu'à la venue du Seigneur. 1 500 000 d'enregistrés. Voilà. 1 500 000 d'enregistrés. C'est ça. Ok. Alléluia. Qu'y a-t-il? C'est la chose la plus puissante au monde aujourd'hui. Le glorieux évangile que nous avons. Mais le diable est entré parmi eux. Il les a séparés en tel petit groupe. Et en tel autre petit groupe. Et tel autre encore là-bas. Pour qu'ils se disputent les uns les autres. Or quand on se met ensemble, on gagne beaucoup d'âmes. Mais le diable est entré dans le groupe des chrétiens. Pour les séparer en petits groupes ici, petits groupes là-bas. Et quand ils doivent s'asseoir, parler les uns les autres, c'est pour se disputer. Ils se pointent les doigts, faire des invectives. Vous, vous n'êtes coupable. Des distractions sur les sites. Et on délaisse les affaires importantes du royaume pour perdre son temps dans des débats stériles. C'est parce que Christ nous a appelé à faire. Mais nous trouvons tellement si important de parler de nos églises locales. Et de nos églises dénominationnelles. Vous croyez comme ceci, nous ici, ceci, c'est là-bas. C'est le diable. Il maintient l'église éparpillée. Il dit ceci. Si jamais ils avaient oublié leur égoïsme et leur différence, s'ils avaient oublié leur égoïsme okay. Et leur différence, nous avons tellement entendu. C'est mon mal, le courant n'est pas très bien, moi et tel, et moi et tel pasteur là-bas, et l'autre ici. Et on est toujours accroché à ça. Honte à nous! C'est l'amour divin qui doit prévaloir. Nous, on est dans des histoires. Mais s'ils avaient oublié l'égoïsme, qui n'est pas la vie de Christ, l'air est différent. Ce n'est pas non plus la vie de Christ. Et qu'ils avaient joint leurs mains et leur cœur comme une seule personne, le millénium aurait commencé. C'est ça dont nous avons besoin ce soir. Mon ami, de nous rassembler. C'est ce qu'il faut au Branham Tabernacle. De s'y rassembler aux autres et non pas se mettre au-dessus des autres. Est-ce que vous me suivez? Considérez qu'elle est une partie de l'église du Dieu vivant dans le monde. Et que tout don que Dieu peut donner, on en serait bénéficiaire. C'est ce dont nous avons besoin ce soir, mon ami. Rassemblés, c'est ce qu'il faut au Branham Tabernacle. C'est ce qu'il faut à toutes les églises. Même la nôtre ici. C'est rassemblé en une seule communauté. Comme un seul individu en Jésus-Christ, comme un enfant nouveau-né, et marcher sur ce chemin étroit et resterait, ayant le regard sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Voulons-nous le faire? Vouloir, ne vouloir qu'une seule communauté. Et nos petites divergences de ceci et de cela, Dieu réglera cela. Avoir ce genre d'esprit à nous. Être à communier avec nos frères, membres du corps de Christ. Il y en a que Dieu nous mette communion. C'est vrai. Nous ne perdrons pas notre doctrine pour ça. Nous ne perdrons pas notre foi. Quand le Saint-Esprit est déjà là, comme le disait, ça ne va pas nous vaincre ces choses-là. Mais c'est la vérité qui va triompher à nous. Et l'amour de Dieu qui gagnera. Écoutez ceci, ce n'est pas pour défendre les doctrines de notre tabernacle. Mais voici ce que je déclare, mes chers amis. Cherchez partout dans le monde, où vous voulez, et nous le disons en nous vantant. Et nous nous vantons de rien d'autre que de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais considérez ce que le Dieu Tout-Puissant a fait pour cette petite église. Retournez-vous et regardez. Si parlant du Branham Tabernacle, en direct de cette église a été lancé ce grand réveil qui a balayé le monde. Le réveil a été lancé en direct du Branham Tabernacle. Ce réveil-là a balayé le monde entier. Qui a fait cela? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'auteur d'un évangile glorieux. L'évangile le plus puissant qui est sur la terre. Voici ce message-là qui est le plus puissant. Message au Yon, dimelé au Yangone le kinguye biloko nyoso. Amen. Sur cet expériment. Ah, wana mabeleo sa saiti. Sa puissance peut atteindre les extrémités de la terre. Tu peux prier d'ici et Dieu t'exauce pour un cas qui est à l'île de Madagascar. Zambi, ayanuli kuna na msanga. Oui, à Madagascar kuna. Ou là-bas près de la mer morte. On a peine na mbuya kufa kuna. Ou aux Antilles. Ou en Amérique latine, la puissance de son message atteint le bout du monde. Prenez Dieu au sérieux, mes amis. C'est ce que Dieu a trouvé bon de vous donner. L'évangile de son royaume. L'évangile par lequel Dieu a réagi. La parole par laquelle Dieu a créé tout. C'est ça le meilleur qui vous a offert. Alors petit troupeau, ne crains point. Ne crains rien. Ne redoute aucune difficulté. Dans le message, il y a solution à tout. Mais c'est ta foi qui va puiser. Chacun doit se servir comme dans une fête. C'est ta foi qui te rendra service. La foi est le multi-service. Nous voyons ici et là des maisons de multi-service. Nous offrons multiples services. Dans divers domaines. Ils ont quelque chose pour intervenir. La foi rendra ces résultats-là. Ta foi rendra ces service divin. Au plan spirituel et familial. Au plan professionnel et individuel. Au plan spirituel et d'éternité. Au plan militaire service. Au plan militaire service. Je ne sais pas selon ta foi. Au plan militaire service. Chacun vient. Il se fait pour la mesure de foi qu'il a. Il y a un Dieu, il dessert chacun de nous. Il nous donne la liberté de venir puiser. Selon la mesure de foi que tu as. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Ce message est un grand réveil. Et c'est vrai. Considérez cela. Et voyez si ce n'est pas le cas. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dans son amour et sa miséricorde. Voyez comment il nous guérit quand nous sommes malades. Considérez le cas de cancer. De cécité. De chute. De mutisme. Et tout le reste qu'il guérit parmi nous. Partout. Et il a témoigné assez d'amour. Pour montrer qu'il approuve l'Église. Il s'est fait photographier avec nous. Preuve scientifique encore de son amour. Il approuve son Église. Dont le Branham Tabernacle n'est qu'une partie. Mais Dieu a une église sur la terre aujourd'hui. Il a une église. Et nous aimons les voies de Dieu. Et il a appelé cette église à sortir de confusion babylonienne. Dans Apocalypse 18, ici là, le verset 1 et 2, il est écrit, après cela, je vais descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue, attention, une habitation des démons, un repère, un lieu de refuge, un lieu d'hébergement des démons. Comme on le disait ici, la culpabilité des assemblées locales. Voyez, le point ici, l'hébergement des fils impurs. Voilà ici, c'est Babylone qui est ça. Toutes les églises babyloniennes hébergent les démons. Et Dieu appelle ces aigles maintenant à sortir des milliers d'elles. Nous devons partir sans regarder en arrière. Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation des démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. C'est là-bas qu'il se retrouve à l'aise. Il faut le vivre là-bas. Et là-bas, il n'y a pas la vie de Christ. Et pour les aigles de Dieu, vous êtes mort. Et la vie est cachée avec Christ en Dieu. Et pour moi, la vie n'est pas cachée avec Christ. Quand lui-même Christ apparaîtra, vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. Alléluia. Amen. Dieu a placé son plan merveilleusement. Le ministère qui nous sépare. Sortez de Babylone. Voyez la lumière de l'heure. Voyez le message de cette personne. Lisez le verset 2. C'est vrai. Je veux dire ici pour terminer dans la prédication, pourquoi je suis contre les religions organisées. Un commentaire qui cadre avec ce que nous venons de lire ici. Prêcher le 11 novembre 1960. Pourquoi je suis contre les religions organisées. Le paragraphe 206. On peut prendre jusque là. Dans ce chapitre 18, l'Apocalypse, hein? Êtes-vous là? Vous allez voir, êtes-vous là, Élie? Dans ce chapitre 18, après que ce mystère ait été connu, Dieu a envoyé un ange puissant, un messager. Écoutez ceci. Après ces choses, le verset qu'il va lire, j'ai vu un autre ange descendre du ciel, et ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria avec une forte voix, disant, elle est tombée, Babylone, entre parenthèses, Babylone, Babylone, confusion. Babylone, confusion. La grande. Et elle est devenue la demeure des démons. Elle est devenue la demeure des démons. Et le repère de tout esprit immonde. Et le repère de tout oiseau immonde et exécrable. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Et les rois de la terre ont commis fornication avec elle. Et les marchands de la terre sont devenus riches par la puissance de son luxe. Voyez là, là il a lu du verset 1 au verset 3. Absolument, verset 1 à 3. Nous on a lu verset 1 et 2. Voilà la différence de la partie terminale. Alors, il commente ceci. Voyez maintenant ceci. Immédiatement après que ce mystère ait été révélé, montrant qui il était. Le mot d'ordre là. Quand on appelle ça, c'est le message de l'heure. Ce mot d'ordre que vous avez en Apocalypse, c'est ça le message de l'heure. Sortez des milliers d'hommes, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ce péché, et que vous ne receviez pas de ce plaies. Voyez, il va la maudire. Faites bien attention. Sortez des milliers d'hommes. Dieu envoya un ange puissant, un messager. Sa lumière n'éclaira pas seulement un petit coin, mais elle s'est répandue sur toute la terre. N'est-ce pas la puissance du messager dont nous parlons? La lumière de son messager n'éclaire pas un petit coin, comme Jeffersonville. C'est toute la terre! La puissance du messager est illimitée. Croyez-le et puisez dedans. Puisez-le pour tous vos besoins, pour tous vos problèmes. Votre foi triomphera. Ta foi gagnera. Sa lumière n'éclaira pas seulement un petit coin. Elle se répandit sur toute la terre. Sortez du milieu d'elle. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle est là et ses sœurs aussi, il a envoyé son message pour éliminer la terre et appeler son peuple à sortir du milieu de Babylone. Et vous savez que c'est la vérité. Un messager a été envoyé du ciel pour appeler le peuple de Dieu à sortir de Babylone. Et s'aligner le glorieux Saint-Esprit a éliminé la terre. La lumière de ce message, c'est le glorieux Saint-Esprit qui illumine toute la terre. N'allez pas dire que c'est frère Branham qui est le Saint-Esprit. La confusion en continuité. Montrant que vous ne connaissez rien du Saint-Esprit. Vous devez attirer des bêtises de ce niveau-là. Mon frère Branham, c'est le Saint-Esprit qui devait venir. Les gens d'Abdrouchine disent que le paraclet, le consolateur, devait venir, c'est ils sont des messages de Graal. Ils perdent leur temps à démontrer que le Saint-Esprit est une personne physique. N'oubliant que dans la Bible, un esprit n'a ni chair ni os. C'est que les messagistes du Graal ignorent que certains piètres disciples de Branham ignorent gravement. Ils disent que le Saint-Esprit c'est la personne physique de Frère Branham qui devait venir. William Branham, H.A.M., il est le père de Jésus. Vous voyez des bêtises et des confusions de ce niveau-là. Les gens qui ignorent tout de la Bible. On ne sait plus si ils sont dans quelle forêt. Ils viennent raconter des histoires libres, mes compagnons. Avec du zèle amer. Honte à eux. Fils du malin. Candidat de la gêne. Votre feu brûlera longtemps. Vous repentir avant qu'il soit trop tard. On ne se moque pas de Dieu ni de ses voies. On ne peut pas réciter le message de Dieu. Le message de notre temps est biblique. Amen. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui était descendu ce jour-là à la Pentecôte. William Branham n'est pas celui qui était descendu ce jour-là à la Pentecôte. Et depuis qu'il est descendu, Branham dit, Dieu ne l'a jamais retiré. Il est toujours sur la terre. Mais pourquoi Branham est venu naître le 6 avril 1909? Mes chers amis. Il ne faut pas confondre les choses. Les confusionnistes, des babyloniens. Ils s'appellent l'assemblée du message. Babylone en ramification. Babylone la confusion. C'est ce qui les domine. Nos baleiniers. Sortez-le. Si tu es captivé par ces sorciers, sortez-le. Avant qu'il soit trop tard. Vous êtes en retard. Sauvez votre âme. Je dis que ça va moins yo. Que Dieu te bénisse. D'écouter la voix du Seigneur. Oyoka mungongo na polo. Êtes-vous là? Vous allez voir. La Bible dit. Qu'elle est devenue un repère, une prison. Et comme boloko, et fan de l'okutu. Le diable fait des prisonniers. Il capte l'esprit. Il est incapable de le quitter. A comme si yé, basant si bon ma coquille à colombe pas ina yé. Il s'accroche à ce qui est faux, à des doctrines de démons, il s'abandonne la foi, il est attaché à ça. Batiti kondima bakanga yobele na yango. Timothée 4 verset 1. Batimothée yango mokapamine molonga yango. Quelques abandonneront la foi. Bamoko bakotita kondima. Ils s'attacheront à des doctrines de démons. Il y a des démons. Voilà nous y sommes. La prophétie qui s'accomplit. L'écriture sur la miraille. Réveille-toi, continue. Ouvre-la et le pont. Fongola. Nous devons échapper à toute confusion. D'où qu'elle vient. Même au nom de William Branham, j'échapperai la confusion. Même si elle vient au nom de William Branham, nous la bouterons dehors. Car nous ne sommes pas des fanatiques. Nous sommes des croyants de la vérité. Êtes-vous là? Vous allez voir, la Bible dit qu'elle est devenue un repère. Une prison. Et attraper des oiseaux exécrables et impurs. Écoutez. Pas des jungles, bien sûr. Cette prison-là ne peut pas attraper les jungles. Elle attrape les oiseaux impurs. Les gens là à spiritualité douteuse. État d'âme incertain. Il n'y a pas quoi qu'il y a de quoi. La paix bien, peut-être qu'il y a beaucoup plus que moi, demi sorcier. Mais tant que Bilo Kwanezo Yaga, à quoi me comme Melango, à quoi me défendre, parce que lui-même à lui là, c'est un oiseau exécrable. C'est un oiseau odieux. Azalinde Kakubangi Saka. Il n'y a pas un vrai aigle. Le message dit pas un aigle. L'aigle va battre les ailes pour le pire. Il fuira la confusion. Il fuira l'impurité. Il fuira l'impuricité. Il fuira l'idolâtrie. Car la Bible prône ça. Que tu n'as pas le faire pour le monde dédidant. 1 Jean 5:20-21. Pour nous faire connaître le véritable Dieu. Nous sommes dans le véritable. Dans son Fils Jésus-Christ. Et c'est lui le Fils. Et il est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Pas moi, c'est petits enfants. Gardez-vous des idoles. Gardez-vous de faux dieux. Les aigles ne tombent pas dans cette prison. Elle n'attrape que les oiseaux odieux. Les oiseaux suspects. C'est la différence. Dieu est la mère règle. Le fait de ses croyants des aiglons. Cette bataille spirituelle est la bataille. Dans ce combat de fausses doctrines. Et des cages des démons. Les lois ecclésiastiques. Une sorte de cage des démons. Les âmes sont emprisonnées. Dans les stations fermées. Ils sont la nuit enfermée. Et personne ne réclame un restaurant. Ils ne veulent pas le vrai rétablissement. Ils veulent continuer dans la logique de confusion. Ils veulent prolonger le discours de l'église mère. Et continuer le langage de la prostituée. Même dans les minutes du message. Ils ne réclament pas la restitution. Le vrai, nous devons réclamer le rétablissement, le retour à la Bible, c'est ce que Élie devait faire, c'est ce que nous devons palper et vivre. La vie de la parole promise, c'est ça Christ à notre temps. Que Dieu bénisse tous ceux qui croient. Êtes-vous d'accord avec la vérité? Nous sommes ici pour la vérité. Vous allez ah, vous allez pour la solo. Pas pour faire des compromis. Je ne prends aucun mabete. Pas les jeunes qui ont été attrapés bien sûr. Bampongo va vous prendre la punaise. Non, non, non et non. Bongote, bongote, pe bongote. Bampongo est zambi. Non, non, non et non. Che. Bongo zama kunati. Bango zamba la kabango restauration. Le rétablissement de toutes choses. Le retour à l'original. À l'évangile du début. À l'évangile primitif. Celui que Pierre et Paul avaient enseigné. Et le fait qu'il n'a pas la même doctrine. La même doctrine. la même foi, la même puissance, le même royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà les aigles de saison. Ça là, va pongo na kolo. Et là où sera le corps. Et pas y'a pas d'autres qu'on a là. Qui s'assembleront les aigles. Et pas y'a pas d'autres non pas dans les cadres dénominationnels. Non pas dans ces prisons faites de mes dormants. Qui émergent des multitudes de démons. Qui enseigne des doctrines des démons. Mais n'importe quoi. Sortez de là. Dieu appelle, hein. C'est ce que Babylone la grande a capturé. Quand vous voyez une sœur commencer à malédicier, oh, ce que vous avez dit, c'est un oiseau suspect. Oiseau exécrable. Oiseau odieux. Donc, état d'âme douteux. Lulenge, yamuela, na ezala kubeta tembe. Donc peut-être qu'il a une partie de sorcellerie déjà en elle. Bala musa kokozala na etienne kindo kikati. L'autre sorcellerie vient seulement compléter la confusion. Kindo kimsoye ko baki ta vele. C'est là pour discréditer le glorieux message. Non, sona pona kozangi sa lokumu ya sangwa tembe. Le message réussira. Sangona diso kolonga. Il y aura des fidèles qui les garderont. Kozala na ba o asembo kubate la yango. Le prénom que Dieu n'a jamais manqué de vrai témoin. Ndiko bana yete ndamba tikala kozanga batatu na kozanga. Ah, mabele. Il y aura toujours des témoins véridiques. Ils garderont la parole de vérité. Ça s'appuiera. Même si vous les tuez, Dieu en suscitera d'autres. Ils resteront loyaux vers le Seigneur. Ils garderont la vérité pure. Je sais que les démons n'aiment pas entendre ça. Je m'en fous de ce que les démons ne veulent pas. Je m'en fous. Ma préoccupation je m'en fous. Nous aurons les yeux fixés sur Jésus. Lui qui suscite la foi originale, la foi scripturaire, la foi authentique, et qui l'amène à la perception. Je veux qu'il le fasse pour toi qui écoutes la parole. Que ceci suscite la foi en toi. Elle est une cage et l'année pleine de ces oiseaux impurs et exécrables. Oh, miséricorde. Mama. Il est une cage et l'année pleine. Pleine de quoi? C'est non blasphématoire. En contradiction avec l'écriture. 1 Timothée 4, 1 dit, l'Esprit dit expressement que dans quelques-uns abandonneront la foi, s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Et le Saint-Esprit dit aussi dans 1 Timothée 3, verset 1, dans les derniers jours, les hommes seront emportés, enflés d'orgueil, ennemis des gens de bien. Soit béni. Oh, si vous n'appartenez pas à notre groupe, vous allez être la si votre nom n'est pas inscrit dans notre livre, vous êtes perdu. Des oiseaux impurs. Vous devez appartenir à notre groupe ou votre nom est inscrit dans nos livres. Des oiseaux impurs de Babylone. Le salut ne dépend pas d'une église locale. Le salut ne vient que de Jésus-Christ. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Si c'est tout langage de Babylone, le longa et le belgique à Babylone. J'espère ne pas vous blesser. Mais plutôt vous faire du bien. Ce sont des oiseaux exécrables. Ils impurs et ils les ont mis en cage. Rappelez-vous que Dieu est un aigle. C'est lui-même qui s'est appelé un aigle. Et il a appelé Jacob un aigle. Et nous sommes ses petits aigles. Amen. Il a appelé ses prophètes des aigles. Et cet ange est descendu pour mettre ces choses en lumière. appelé à sortir. Voulez-vous obéir? Oui, ça, mais ne traînez pas les pas là-bas. Voilà, ne prolongez pas le discours de Babylone dans le milieu de l'État. Que la lumière de cet âge vous éclaire. Voilà, que le message de l'heure vous éclaire convenablement. Dans lui, il y a la vie de Dieu. Christ qui est notre vie. Comme nous avons entendu ce soir, il est la vie de l'Église, la vie de vérité, la vie de la parole. Jean 14. Vous voyez ça? Jean 14, il dit ceci, verset 18 et 19. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. De même que je vis. Je suis certain que je vis. Vous vivrez. Christ, la vie de l'Église. Christ, la vie de la parole. Christ, notre vie. Christ, hein? On a dit là dans Philippiens 1, verset 19. Oui. C'est la même pensée au début de la prédication. Christ, il est ma vie. Christ, et la mort m'est un gain. Vous vous rappelez encore? Pour ce soir, c'est Christ, la vie de l'Église. Dans Philippiens 1, verset 21. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Amen. Zambi Ponandai, Kopika et Jali Christ, Poko Koufa et Jali Litonga. Exactement ça. Pas aussi. Nous avons demandé. Peux-tu dire la même chose? Christ est ma vie. Est-ce qu'il est vraiment la vie que tu mènes tous les jours ici? Partout à tout moment. Il est la vie de l'Église. La vie de son Église. Il n'a qu'une seule Église. Et c'est l'Église vie. C'est Christ qui est sa vie. Même que je vis, vous vivrez aussi. Sans lui, notre vie n'a pas de sens. Qu'on l'enlève de nos vies, nous ne voyons pas à quoi nous sert cette vie. Il est la personne la plus indispensable. Et nous voulons avoir partout à souffrir. C'est ici la vision. C'est que Dieu vous bénisse. Et on est debout pour la prière. Grâce étonnante du sang qui sauva un vieux comme moi j'étais perdu, je dirais sauvé avec maintenant je vois c'est ça. M'a enseigné la main et l'autre me peut comme bien fait que par cette grâce au moment où j'ai cru dans les dangers. Oh, yeah. Avec bonheur. Et c'est que tu es notre Dieu adorable. Et l'Esprit de vérité est dans l'église. Pour nous témoigner cet amour. Montre que tu nous as approuvé. Tu te fais photographier avec nous, Seigneur. Le groupe des aiglons que tu as appelé. De toutes les prisons passées de mes doigts. Les prisons des démons. Venir à ta lumière admirable. Oh, garde-nous ça auprès de toi. Toi, le vrai bouclier protecteur. Garde chaque âme loin du monde. Arrache-les des pouvoirs de Satan. Arrache-les des griffes du diable. Et donne la délivrance au Seigneur. Donne la liberté au Seigneur. Pour te servir joyeusement. Et dans la paix du Seigneur. Écoute nos prières ce soir. Les prières de ces jours, Seigneur. La chaîne des prières de ces jours. Et que ce nom est béni abondamment. Dans l'expérience au très cher chacun. La consolation du Seigneur. La vie de la parole. Car toi, Christ. Et la vie de l'Église par la vérité. Par la vérité divine qui est faillite. Visite l'Église. Pour que tes fidèles vivent de ta vie. Pour les vieilles hommes meurent. Que les vieilles choses disparaissent. Tout ce qui est de la vieille vie. Aïe, vraiment passé. Nous voulons la vie chrétienne. La vie de sainteté. La vie de piété. La consécration en permanence. La vie de la foi. Ôte l'incrédulité, Seigneur. Ôte les doutes, les sceptiques. Donne chacun la foi. La foi de Jésus, qui opérait en Jésus-Christ, qui agit en Jésus-Christ, la foi de Jésus, nous trouve place à nous, Seigneur. Comme tu avais béni Abraham, au nom de Jésus-Christ, ouvre-nous les yeux spirituels pour sortir de toutes les cages, de toutes les prisons démoniaques, changer la nature d'oiseau, avoir la nature d'aigle, pour monter dans la hauteur du Dieu. Dieu très haut, naviguer dans sa vision, marcher au pas. Nous t'appelons sur la terre, nous t'adorons de tout cœur, au nom merveilleux de Jésus-Christ, le Dieu véritable, c'est la vie éternelle, nous prions, Amen. Veuillez vous asseoir. Fukuvanda. Et que Dieu vous bénisse. Nous avons la pambola binon.